Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un qui a déposé des demandes d'emploi, ça fait plus d'un an. Laisse-moi te dire, c'est le temps où le Seigneur maintenant veut te relever. Tu es découragé, mais le Seigneur a écouté tes prières, tes larmes. Ceux qui se moquaient de toi seront dans la confusion, parce que Dieu t'a déjà positionné à un poste qui va t'étonner toi-même. Réveille-toi, va commencer à prier le Seigneur. Oui, tu dois prier le Seigneur et saisis par la foi déjà ton embauche. Réveille ton mari, réveille ta femme, nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier selon le psaume 11e. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons aujourd'hui lire le psaume 11 au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des chardons, des feux et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Trois vérités se dégagent de ce psaume. Première vérité, il y a deux refuges possibles en face du danger. Quand tu es dans un danger, il y a deux refuges possibles. Le premier refuge, c'est Dieu. Le second refuge, ce sont les montagnes. Vous voyez, les montagnes ici représentent soit les refuges humains, c'est-à-dire les hommes. Au lieu de te confier en Dieu, tu te confies à un homme parce que tu as un oncle qui est commandant de police, qui est général, qui est maire, qui est président du conseil général ici, qui est ministre, parce qu'il est ambassadeur. Oui, tu dis, moi je me confie en lui parce que c'est un homme puissant. Les montagnes, ça représente aussi les proches. Il y a aussi ceux qui ont des refuges spirituels. Ils ont des fétiches parce qu'on dit que tu es de la famille royale. Vous avez des fétiches, vous avez un masque qui vous protège, vous avez un oncle qui est fort, qui est maître dans un mouvement mystique. Il y a ceux qui se confient dans des dieux de forêt, le dieu de bois, le maraboutage, des loges mystiques. Ça représente ici ce que David appelle les montagnes. Vous voyez? David a choisi de chercher son refuge en l'Éternel et non pas fuir sur la montagne. Vous voyez? C'est pourquoi il dit ici, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes? Toi qui m'entends, peut-être que c'est ce qu'un ami te dit. Il te dit pour réussir dans ton poste là, pour sécuriser ton poste, il faut entrer dans telle loge mystique, comme ça tu seras fort. On te dit que pour avoir ton visa, voilà, il faut te confier en tel monsieur. Tu sais que ça là, ce qu'on te demande de faire, ce n'est pas dans la voie droite, c'est les magouilles. Si tu acceptes ça, c'est que tu ne te confies pas à l'Éternel. Quelqu'un te dit, fuis vers les montagnes. Peut-être que c'est ton cas, mon ami. Il y a quelqu'un qui te dit, oui, va prier à côté de l'eau pour que ton ministère prospère. Si tu veux avoir l'onction, il faut aller en tel pays, dans tel coin. Tu vas toucher médicaments. On va te donner un code. On va t'imposer la main. On va mettre sur toi de l'huile qui vient, je ne sais pas de quel pays. Mon ami, tu risques d'entrer dans un réseau de sorcellerie sans le savoir. L'onction, on n'a pas besoin de cérémonie où on va te faire des prières de minuit. On te dit, il faut porter les habits de telle couleur. Non, ça ce sont des montagnes. David a refusé. Il dit, comment pouvez-vous me dire, fuis vers les montagnes? Moi, j'ai un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant, qui s'appelle El Shaddai. Tu as ce Dieu puissant. Donc, il faut refuser notre refuge. Nous savons combien David, quand il était en face de Goliath, il avait en face de lui quelqu'un qui était expérimenté dans les combats. Il était bien armé. Depuis l'enfance, il était rodé. Mais David s'est confié en l'Éternel. Il s'est réfugié en l'Éternel. Il pouvait dire, tu viens contre moi avec l'épée, la lance, les javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. De l'Éternel des armées. Lorsque son fils Absalom était à la tête d'une conspiration pour le renverser, David s'est réfugié en l'Éternel. Et Dieu a fait échouer tous ces complots. Deuxième vérité, les fondements de la société sont renversés. Oui, David l'a constaté depuis ce temps-là, même aujourd'hui. Il dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Nous devons faire ce constat. Les fondements, c'est-à-dire les valeurs de la société, les valeurs telles que la justice, la droiture, les comportements moraux, la fidélité dans le mariage, la vérité, ces fondements sont renversés. Lorsque les droits sont violés, par exemple, lorsque quelqu'un qui a tort, c'est à lui qu'on donne raison parce qu'il est puissant, parce qu'il a corrompu. Lorsque quelqu'un, par exemple, qui devrait être promis, celui qu'on laisse à la touche. Et puis celui qui n'a pas de compétence, c'est celui qu'on promet, c'est celui qu'on élève. Les fondements sont renversés aujourd'hui. Regardons au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Les fondements sont renversés. Ce qui devrait constituer la honte, c'est ce qui fait maintenant la fierté. Regardez, quand les jeunes s'habillent presque à moitié nus, on dit que non, ce sont des jeunes là, c'est eux qui font des succès, c'est eux qui deviennent comme des repères pour la jeunesse. Où allons-nous? Les fondements sont renversés. Et nous devons être conscients en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'église, pour chercher des solutions. Au temps de David, les méchants voulaient éliminer ceux dont le cœur était droit. David lui-même était victime d'un coup de force perpétré par son fils Absalom. Aujourd'hui, nous pouvons décrire plusieurs faits dans notre société qui sont l'évidence des renversements de fondements. On peut allonger la liste. La corruption dans presque tous les domaines de la société. L'infidélité conjugale. Aujourd'hui, les gens disent que non, hein, ce n'est pas possible qu'un homme soit fidèle toujours à sa femme. Un homme peut déconner, mais c'est la femme qui ne peut pas aller déconner. Aujourd'hui, même les femmes mariées commencent à sortir avec les hommes. Les divorces qui croient de manière exponentielle, même dans les milieux chrétiens, les pasteurs divorcent, les bishops divorcent, ils prennent les femmes de ministère. C'est quelle Bible qui a dit ça? Donc, tout est renversé. La promotion de la violence, l'immoralité sexuelle, l'homosexualité. Vous voyez, on a baptisé mariage pour tous. La drogue, la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme. Donc, vous voyez, de manière généralisée, dans plusieurs pays, ces choses sont en train de s'accroître. C'est ça. David dit, les fondements sont renversés. Il y a l'émergence des faux pasteurs, des faux prophètes. Aujourd'hui, on pense qu'un vrai prophète, c'est celui qui va te dire le nom de ton père, le nom de ton grand-père, ainsi de suite. Et puis, tu amènes une offrande maintenant pour qu'il puisse prier pour toi. Ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ça, c'est la divination. Il y a l'injustice sociale. Il y a des vols, des assassinats, des meurtres, la persécution des justes. Troisième vérité, notre attitude lorsque les fondements sont renversés. Qu'est-ce que David dit ici? Il y a quatre choses que David suggère. Premièrement, le juste doit savoir qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône. Lorsque nous comprenons que Dieu est assis sur son trône, nous affirmons qu'il règne et qu'il contrôle tout ce qui se passe sur la terre. Ceci démontre la souveraineté divine. Malgré tout ce qui se passe, il y a des choses difficiles qu'il peut permettre dans notre vie, dans notre société, qui sont difficiles à comprendre. Mais il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Il est toujours au contrôle. Il sait pourquoi il le permet. Deuxième attitude du juste. Le juste doit savoir que Dieu est omniscient. C'est-à-dire, il sait tout. Ses yeux regardent les fils de l'homme et sondent les justes. Il est celui qui se plaît à la violence. Verset 5. Dieu n'abandonne pas les justes dans les moments difficiles. Il permet parfois des situations difficiles pour nous éprouver. Nous devons demeurer dans l'intégrité et lui rester fidèles. Troisième attitude du juste. Le juste doit laisser Dieu exercer son jugement. Il est un Dieu juste. Yahvé-Tchikenou. Nous pouvons avoir l'impression que les méchants triomphent aujourd'hui. Il y a ceux qui persécutent les chrétiens, ceux qui tuent, qui détourne les deniers publics pour s'enrichir de manière illicite. Nous devons savoir que Dieu exercera son jugement contre eux. Le jeune Absalom qui a cherché à renverser son père David par un coup de force. Il a mal fini sa vie, selon 2 Samuel 18, 15 à 17. Jézabel, la femme d'Akab, qui a institué l'adoration des Baals en Israël et qui a conçu un stratagème pour éliminer tous les prophètes de l'Éternel, a été frappée par le jugement de Dieu. Son cadavre a été exposé aux oiseaux du ciel. Vous trouvez ça dans 2 Rois 9, 30 à 39. Il en est de même pour le roi Hérode, qui fit mourir Jacques et qui fit arrêter Pierre. Il fit tuer, rongé par les vers. Tous ceux qui sont des méchants finissent mal leur vie, parce qu'il y a un Dieu qui va les juger. Quatrième attitude juste, le juste doit contempler la face divine. Il doit demeurer dans la présence de Dieu et ne doit pas se laisser troubler par tout ce qui se passe autour de lui, car il sait qu'il y a un Dieu qui est au contrôle. C'est cette attitude qu'un homme comme Étienne, qui contempla la gloire de Dieu pendant que ses ennemis le lapidaient. Vous trouvez ça dans Actes 7, 55 à 60. Le juste doit contempler la face de Dieu. C'est pourquoi David dit au verset 7, « Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. » Gloire au Seigneur. Nous allons le célébrer en chantant ces cantiques. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Jésus et bénis le roi des rois. L'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. De l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Oh moi je louerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps je louerai Jéhovah. Hosanna. Oh moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Gloire au Seigneur, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons le louer. Élevons ensemble nos voix. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous prions en nous inspirant des Saintes Écritures. Et aujourd'hui, c'est le psaume 11e qui est notre psaume de base. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous allons prier le Seigneur. Prions afin que nous recherchions toujours notre refuge auprès de Dieu. Et refusons tout autre refuge que les hommes nous proposent. Les fétiches, maraboutages, les sacrifices ancestraux, les mysticismes. Refusons cela, quelles que soient les situations. Et prions pour que nous puissions toujours rechercher en l'Éternel notre refuge. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Nous sommes conscients du fait que c'est toi qui maintiens en nous le souffle de vie. Nous prions pour la protection, nous prions pour la sécurité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, fais en sorte que nous puissions toujours trouver notre sécurité en toi. Ta parole déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont point confus. Nous déclarons que toute forme de confusion est ôtée de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Ô Dieu, protège tes enfants, protège tes fils et tes filles qui sont dans la confusion, qui sont dans la peur, qui sont dans l'incertitude. Père, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous fortifies, c'est toi qui nous rassure. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, nous intercédons pour nos frères qui nous écoutent en ce moment, pour nos sœurs qui nous écoutent en ce moment et qui sont dans la peur, qui s'interrogent concernant leur avenir, qui s'interrogent concernant leur foyer, qui s'interrogent au sujet de la rentrée scolaire. Père, rassure tes enfants, parce que c'est toi qui nous fortifie. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. Que ta parole nous édifie, que ta parole nous fortifie, afin que nous ayons cette assurance que l'Éternel Dieu est avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour la restauration des fondements qui sont renversés dans nos nations, dans nos villes, dans nos villages, dans nos familles. Prions pour que les antivaleurs comme la prostitution, la corruption, les viols, le meurtre, l'injustice sociale disparaissent dans notre société et que les valeurs chrétiennes telles que l'amour, la tolérance, le pardon, la fidélité dans les mariages soient promis au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es notre appui, tu es notre force, tu es notre abri, tu es notre protecteur, notre haute retraite, notre goëlle, notre puissant guerrier, notre lumière. Merci Père, parce que notre Dieu, notre Père, quand nous voyons le film de la société dans laquelle nous vivons, nous avons peur. Oui Seigneur, l'état de la société ont envahi l'église. La corruption, la prostitution, ou l'égoïsme, la méchanceté, les rancœurs, tout ce que le monde a envahi l'église, est en train de détruire l'église. Nous voulons te prier ce matin que tes enfants fassent la différence. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les modèles. Nous devons te représenter dignement en prêchant ta parole, en étant des modèles. Oui, Seigneur, en fuyant le péché, notre Dieu, notre Père. Là où nous travaillons, là où nous exerçons le ministère, dans nos foyers, dans nos au marché, partout, notre lumière doit briller. Notre témoignage doit parler. Notre Dieu, amener des âmes vers toi. Viens à nos secours, afin de te représenter dignement. Louange et gloire te soient rendues, parce que sans toi nous ne sommes rien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous donne de la sérénité lorsque nous sommes victimes d'injustice, de persécution, afin que nous demeurions fidèles à Dieu et que nous lui laissions exercer sa justice, que nous contemplions sa face. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière, opération sur la prière. Père, dans le nom de Jésus ce matin, nous voulons te glorifier, nous voulons te magnifier, nous voulons exalter ton puissant nom. Ta parole dit que tu es notre justice, tu es notre force et notre appui, et notre secours vient de toi. Sans toi, que serions-nous devant l'adversité, devant ses attaques, devant ses injures, devant ses défis, devant ses difficultés? Ô Père, quand nous regardons autour de nous, l'injustice bat son plein. Ce que nous devrions avoir, les autres nous privent, les hommes s'accaparent de ce qui nous revient de droit. Les hommes méchants, rusés, ne veulent pas voir notre joie, ne veulent pas nous voir dans l'allégresse, dans ta bénédiction. C'est pourquoi nous invoquons ton nom. Dieu de justice, lève-toi et fais justice à ton fils, fais justice à ta fille. Merci de nous honorer. Confond tous ces méchants qui ne veulent pas que nous entrions dans nos destinées prophétiques. Étends ta main et que leurs œuvres soient nulles et sans effet. Que toutes les stratégies et plans contre nos vies soient noyées dans le sang de Jésus-Christ. Restaure tes enfants, fortifie leur cœur, encourage-les à te faire entièrement confiance, de ne point se détourner de ta face, d'avoir les regards, les yeux fixés sur toi, car c'est de toi vient le secours. Merci Seigneur d'encourager quelqu'un, de bénir quelqu'un, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. Puissance, par son bras puissant, faisons.